Oui, répondit-il, à Garcia le Borgne, un bohémien aussi futé qu'elle. Le pauvre garçon était aux galères. Carmen a si bien embobiné le chirurgien du Presidio qu'elle en a obtenu la liberté de son rhum. Ah, cette fille-là vaut son pesant d'or. Il y a 2 ans qu'elle cherche à le faire évader. Rien n'a réussi, jusqu'à ce qu'on s'est avisé de changer de major. Avec celui-ci, il paraît qu'elle a trouvé bien vite le moyen de s'entendre. Vous imaginez le plaisir que me fit cette nouvelle. Je vis bientôt Garcia le Borgne. C'était bien le plus vilain monstre que la bohème ait nourri. Noir de peau et plus noir d'âme. C'était le plus franc scélérat que j'ai rencontré dans ma vie. Carmen vint avec lui. Et lorsqu'elle appelait son rhum devant moi, il fallait voir les yeux qu'elle me faisait et ses grimaces quand Garcia tournait la tête. J'étais indigné et je ne lui parlais pas de la nuit. Le matin, nous avions fait nos ballots et nous étions déjà en route quand nous aperçûmes qu'une douzaine de cavaliers étaient à nos trousses. Les fanfarons andalous, qui ne parlaient que le tout massacré, firent aussitôt piteuse mine. Ce fut un sauve-qui-peut général. Le dancaire, Garcia, un joli garçon d'Écire, qui s'appelait le Remendado, et Carmen ne perdirent pas la tête. Le reste avait abandonné les mulets et s'était jeté dans les ravins où les chevaux ne pouvaient les suivre. Nous ne pouvions conserver nos bêtes et nous nous hâtâmes de défaire le meilleur de notre butin et de les charger sur nos épaules. Puis, nous essayâmes de nous sauver au travers des rochers par les pentes les plus roides. Nous jetions nos ballots devant nous et nous les suivions de notre mieux en glissant sur les talons. Pendant ce temps-là, l'ennemi nous canardait. C'était la première fois que j'entendais siffler les balles et cela ne me fit pas grand-chose. Quand on est en vue d'une femme, il n'y a pas de mérite à se moquer de la mort. Nous nous échappâmes, excepté le pauvre Remendado qui reçut un coup de feu dans les reins. Je jetai mon paquet et j'essayai de le prendre. « Imbécile !» me cria Garcia. « Qu'avons-nous à faire d'une charogne? Achève-le et ne perds pas les bas de coton. « Jette-le, jette-le !» me criait Carmen. La fatigue m'obligea de le déposer un moment à l'abri d'un rocher. Garcia s'avança et il lâcha son espingole dans la tête. « Bien habile qu'il reconnaîtrait maintenant, » dit-il, en regardant sa figure que 12 balles avaient mise en morceaux. Voilà, monsieur, la belle vie que j'ai menée. Le soir, nous nous trouvâmes dans un hallier, épuisés de fatigue, n'ayant rien à manger et ruinés par la perte de nos mulets. Que fit cet infernal Garcia? Il tira un paquet d'art de sa poche et se mit à jouer avec le dancaire à la lueur d'un feu qu'ils allumèrent. Pendant ce temps-là, moi, j'étais couché, regardant les étoiles, pensant aux Remendades et me disant que j'aimerais autant être à sa place. Carmen était accroupie près de moi. Et, de temps en temps, elle faisait un roulement de castagnettes en chantonnant. Puis, s'approchant, comme pour me parler à l'oreille, elle m'embrassa, presque malgré moi, 2 ou 3 fois. « Tu es le diable !» lui disais-je. « Oui !» me répondait-elle.